Moi je suis comme toi frère, un être humain qui souffre. Le mec tout nous quitte comme une feuille qui cesse, traînée par le vent qui souffle. Quand j'aperçois des signes, je sais que c'est enfin le destin qui à moi souffle. Moi je suis comme toi frère, un être humain qui souffre. Le mec tout nous quitte comme une feuille qui cesse, traînée par le vent qui souffle. Quand j'aperçois des signes, je sais que c'est enfin le destin qui à moi souffle. On vit au gré du temps, guidé par je ne sais quoi. Tu me demandes ce qu'est la vie, je te réponds je ne sais pas. On a beau philosopher, les questions restent. On a beau se questionner, la vie nous blesse. On est fragile, mais c'est bizarre d'un côté peur. Une vie difficile nous pousse à faire des efforts. Évoluer c'est bien la clé, ouais. Si tu stagnes c'est la merde, ta vie tu vas la bâcler. Combien reste en bas, picole dès le matin. Non plus que l'alcool comme remède à leur chagrin. Combien n'ont plus confiance en eux. Combien ne s'aiment pas, sont malheureux, finissent par être haineux. Si quelqu'un te blesse, comprends-le. Il reproduit le mal qu'il a subi, pardonne-le. Pardonne-toi. Pardonne-toi, car la culpabilité ne sert pas à guérir. Tu vas bêtement te limiter. Faut s'analyser, comprendre nos actes et paroles. Quitte à se poser dans un coin et réfléchir seul. Faut réfléchir avant d'agir, agir avant qu'il soit trop tard. Agir à l'instinct, se méfier du hasard. C'est la vie mon ami, y'a des hauts, y'a des bas. Y'a des bons, y'a des mauvais, y'a des faux, y'a des braves. Qu'est-ce que tu veux, ouais, c'est un combat perpétuel. Entre le mal et le bien, toi tirer ton duel. Je suis comme toi et comme tous, un être humain qui souffre. La vie une putain de course, pas une seconde où tu souffres. C'est quand on pense posséder les réponses.